Dans un monde où l'honneur est au-dessus de tout, pendant une guerre sans fin, des samouraïs cherchent à prendre leur destin. Chacun guidé par leurs devoirs et leurs désirs, ils auront affaire à l'une des villes du clan du crabe, Sunda Mizumura. Vous étiez arrêté dans un petit village de pêcheurs. Hop, on va reprendre rapidement à ce moment-là. Vous avez battu des ronins lors d'une petite escarmouche avec des apprentis de l'école du clan du crabe. De ce que je me souviens, c'était Goshu qui était le type un peu voilà qui s'amusait un peu avec vous, qui se moquait de vous, et puis vous l'avez quand même tiré une bonne flèche puis massacré quoi. C'est ça. Simple que ça. Vous avez libéré le village donc qui était oppressé. Vous avez redistribué les trésors des ronins villageois et on vous avertit que oui il y avait bien un homme avec ce fameux chapeau de paille qui était sur une petite charrette avec le guide qui est lui-même un local du village. Il était sur la petite charrette et disons que de ce que vous a dit les sous-fifres de Goshu, c'est que clairement quand Goshu a voulu un peu le brusquer, il est revenu, il n'était pas comme d'habitude. Il avait l'air un peu très différent. Il vous avait expliqué qu'il avait changé un peu d'attitude. Bref, donc le type en question serait allé dans les marécages, et là seulement personne ne sait où il va, sauf la disciple du temple de la fortune du riz, si je me souviens bien. Je dis son nom, la fortune du riz. Inari. Bah oui, la fortune du riz, c'est Inari. Du coup, la disciple peut vous accompagner, mais seulement elle ne préfère. Alors, on revient un peu sur peut-être ce que j'ai dit, je ne sais plus si je l'avais dit, mais elle préfère ne pas y aller en pleine nuit, ou du moins ne pas aller sans escorte. Donc là, c'est ce que vous avez. Comme vous êtes arrivé par voie fluviale, d'après mes souvenirs, avec une embarcation conduite par. Un petit marin du quartier des embarcadères à Sunda. Là, c'est plus possible d'y aller en barque, il faut y aller à pied dans les marais. Donc abandonnez votre moyen de transport ici. Ok. Donc voilà, donc là, oui, alors la personne... Oula, je oublie ce que c'était, c'est une... La jeune prêtresse qui se nomme donc Kiyashima, vous pouvez l'appeler comme vous le sentez, hein, San ou Sama si vous pensez qu'elle est supérieure à vous. Bon, c'est une émine, une prêtresse, donc elle a quand même un certain rang, un certain statut, uh-huh. Mais ce n'est pas moins qu'elle est inférieure à vous, parce que vous êtes Yuriki, magistrature, vous êtes bien fier d'ailleurs de vous. Et Kirishima vous prévient juste que le marais en question qui entoure Sunda Mizumura est pas très pratique et il est difficile de s'orienter. La canopée est assez dense, mais aussi il risque d'avoir quelques problèmes avec des animaux comme les crocodiles. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais les Kuma, un truc comme ça, Kiyomba, c'est un nom assez proche. Pour le coup, elle peut vous dire qu'y aller de nuit, c'est pas ce qui est le plus conseillé. Il faut mieux attendre le matin pour s'engager à l'intérieur du marais. Mais si vous êtes pressé de le retrouver, et si vous sentez capable de me défendre contre ce qui rôde dans le marécage, on peut partir immédiatement avec une lanterne et s'orienter juste avec mes souvenirs et mes compétences. Après, c'est vrai que partir de lui, ce serait peut-être pas la meilleure des choses à faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Allô? Lui peut être dangereux, périlleux même, mais malheureusement, est-ce qu'il nous attend pas là-bas, est-ce que l'ennemi n'arrive pas à attendre, c'est pas pire. Moi, je serais d'avis d'attendre le matin pour maximiser nos chances. Enfin, en tout cas, prendre ce risque pour plus de. Voilà, excusez-moi. Oui, voilà. Je serais plutôt du même avis que Moto. Et voilà, attendons le petit matin, ça me paraît. Très bien. Donc, très bien, du coup vous êtes invité à manger ce qu'il vous faut. Je crois que je n'ai pas souvenir, mais vous avez déjà rencontré les paysans du coin, avec une petite famille assez nombreuse, pareil, qui vous retrouve et qui apporte de la nourriture pour que tous les villageois puissent festoyer et au moins manger dignement sur leurs propres provisions. Et vous faites un repas assez simple. Vous vous couchez assez tôt. Les Ida montent la garde, hein, au cas s'il y a des bandits peut-être qui reviennent de on ne sait où. Ils restent prudents, mais la plupart dorment. Je crois qu'il y en avait combien? 6 ou 8? J'ai pas marqué combien il y avait. Il me semble qu'il y en avait 8. 8? Ok. Sur les 8 Ida, il y en a 3 qui montent la garde à tour de rôle et puis ils se relèvent, vous laissant assez de temps pour vous reposer. Le matin, vous vous faites réveiller par Kirisama qui vient juste de vous réveiller avant même que la lumière de Dame Soleil vous éblouisse les yeux, avec un petit déjeuner très simple mais assez complet pour prendre la route. Hein. C'est une sorte de porridge. Celui qui tape sur son. Aidez-moi. Yoritomo, arrête de jouer avec des bambous. On t'a dit que c'était insupportable. Toujours pour me contredire et tout ça. Ouais, tu confisques. Non, mais j'active mon micro black. Qu'est-ce que j'étais. Oui, donc une sorte de porridge. Et du coup, vous êtes apprêté, vous prenez quelques équipements et c'est parti. Donc, la jeune prêtresse qui est plus petite hein, que Lida et hein, que certains d'entre vous s'avance et elle a une sorte de. Si vous voyez une sorte de petite amulette autour du cou. Et elle a une sorte de petit sceptre en papier avec qui ressemble à un petit fouet et elle bat pour chasser les mauvais esprits. Et là-dessus, elle le secoue de temps en temps. Quand elle le sent, elle le bat pour chasser les mauvais esprits. Si vous lui demandez, parce que c'est le cas certainement, il y en a peut-être un Leïda qui lui demande pourquoi fait-elle cela pour le marais. Elle va vous répondre simplement que le marais est considéré comme étant un endroit bien particulier où, pour certains voyageurs durant la nuit, ils verraient les esprits de leurs ancêtres. Ou certains qui auraient des choses à se reprocher verraient des esprits, des morts qui leur auraient tués, ou qui leur auraient menacés, ou qui leur auraient peut-être. Poussé à la mort. et qui hante cette forêt et qui fait perdre les voyageurs. Elle écarte justement ces mauvais esprits avec. Mais il n'est pas rare que le soir, dès que le crépuscule... nous sommes en plein milieu du crépuscule, de voir des feux follets rôder autour de vous. Vous avez beau marcher dans leur direction, ils s'éloignent toujours de plusieurs pas avant que vous puissiez en apercevoir un autre à côté de vous et encore un autre. D'accord. Voilà. Pour certains, je crois qu'ils sont pas trop convaincus hein, par son explication. Oui, Moto. Étrange. Tu l'as dit. Étrange. Du coup, elle sait exactement où son frère aurait pu mener le dit homme. C'est un endroit que lui et elle avaient pour habitude de faire leur petite forteresse particulière, enfin personnelle. Et c'est en fait un vrai fortin qui se trouve en plein milieu du bayou, hein, des marécages. C'est un fortin qui est isolé depuis des années, en ruine, et elle vous explique que ça a toujours été là. Apparemment, ça a pas mal de centaines d'années, et elle pense que le fortin n'a jamais été fini. Toujours été en construction, mais il n'a jamais été fini. Certains diraient même qu'il était là avant le marais. Oh, c'est étrange. En même temps, oui, c'est sûr que quel est l'intérêt d'un fortin en plein milieu d'un marais, sachant que Sunda Mizumura est situé juste à côté, alors je vois pas l'intérêt d'avoir sans doute une forteresse très ancienne. Et donc vous dites qu'il serait encore, enfin qu'elle n'était pas achevée. Est-ce que ça signifierait que par hasard vous pourriez avoir connaissance d'un passage ou de qui... Elle te dit qu'elle sait qu'il y a des passages souterrains, secrets, mais que c'est que à la forteresse même que tu peux les trouver. Ouais. Et pas de sortie qui permettrait, vous avez jamais, j'imagine qu'il devait être rempli d'eau de toute façon. Alors soit ils sont éboulés, soit comme tu le dirais, oui ils sont remplis d'eau. Et il y a des énormes alligators qui attendent à l'intérieur. Donc bon. Et y a-t-il des résidents permanents entre guillemets, quelques contrebandiers qui y vivent Non. Donc normalement, on devrait les trouver seuls avec. S'ils y sont, oui. Un peu de compagnie, mais je ne pense pas que ce soit bien important. Donc, pouvons-nous prendre... Pourriez-vous nous guider à travers... Oui. T'es en train de marcher à côté d'elle, hein, donc... Ah oui. Donc, elle rigole un peu, tu vois, sur ta dernière phrase. Et puis, vous commencez à rentrer dans le marais. Donc, vous commencez à sentir qu'il y a de la boue, il y a de l'eau un peu partout qui vous entoure. Vous êtes toujours sur des buttes de terre, mais des fois, vous êtes obligé de traverser un petit morceau de rivière, un petit morceau de marais. À chaque fois, c'est périlleux. Et il y a quelque chose qui est assez drôle, mais qui est aussi assez perturbant. C'est qu'il y a des trucs qui bougent dans l'eau. Qui, disons, pour certains d'entre vous, vous direz que c'est des serpents, et pour d'autres, c'est des anguilles. Seulement, c'est des anguilles électriques. Donc, ça fait des petites lueurs dans la rivière quand vous les faites un peu bouger. Rien de très douloureux, hein, mais c'est juste que quand vous passez à l'intérieur du marais, vous voyez que les anguilles bougent un peu et vous voyez une petite lueur électrique. C'est assez particulier. D'accord. Peut-être c'est ça, les feux de feu follet. Bah, c'est quand même inquiétant, quand même. Hein. Enfin, c'est pas de ce genre de choses qu'on voit souvent, des anguilles électriques. En plein milieu des marais. De toute façon, on continue à la suivre. Et je pense qu'elle sait où elle va, donc moi je lui fais confiance. C'est le chemin qu'elle avait pour habitude de prendre. Bah je suis aveuglément. Et d'ailleurs, chose que vous remarquez, c'est qu'il y a deux empreintes de pas clairement visibles dans la boue qui étaient là avant même que vous arriviez. Donc vous êtes sur le bon chemin. J'imagine qu'on n'a pas l'expertise, mais... Elle a deux jours, facile. Ah oui ? Tout de même. Oui, c'était ça, 2-3 jours, ils étaient passés. Donc, oui, donc ça concorde, ils ont pas fait de détour. Ils sont là-dedans, oui. Suivons. Allez-y. Vous suivez. Et là, dans l'ordre de marche, vous êtes un peu tous agglutinés, avec les crabes qui vous suivent. Vous suivez la petite et... Vous allez tous me faire enfin le premier jet de la soirée, tu sais, avant qu'on en fasse. C'est un jet en... Alors ce sera en haut et sentiment. Donc vous êtes tous un peu en train de marcher, et là vous avez l'eau jusqu'au niveau des genoux, hein, sauf Leïda qui les a juste au niveau des chevilles, parce qu'ils sont très grands. Vous commencez à vous avancer, et là, tout d'un coup, Moto et Yoritomo... Mirumoto, vous remarquez tous les trois quelque chose qui était bien planqué depuis tout à l'heure, qui avait juste les yeux qui étaient sortis de l'eau. Il s'agirait d'une créature qui ressemble fort à un serpent assez costaud et qui observe justement et qui s'approche en nageant furtivement devant vous. Et quand je vous dis un serpent costaud, c'est un crocodile mastoc. Ouais, donc c'est un reptile, c'est plus un serpent. Là. Oui, mais c'est pour donner, par exemple, le fait que certains ne voient pas peut-être de crocodile tous les jours. Par exemple, Mirumoto, toi, t'en as peut-être jamais vu, quoi. C'est pas un truc commun. Oui, mais bon, après, je me... Quoi qu'un dragon... Ah, toi, c'est un dragon, tiens. Mais voilà, je dirais... Un dragon. C'est un peu un drôle de fan, quand même. C'est un caïman, voyons. Donc là-dessus, vous remarquez, et dès que vous faites un peu du mouvement, vous voyez qu'il s'enfonce dans l'eau et là, disparaît complètement. Vous êtes... Vous voyez que les Ida sortent leur Tetsubo, Katana, tout ce qu'il faut, les lances, et ils se mettent en formation. Et tu entends qu'un certain il dit « J'ai sorti quelque chose bouger entre mes jambes !» Frappez par prévention. Donc il frappe, il frappe dans l'eau, tu vois, ça éclabousse. Mais moi, je vais d'entrée voir avec la demoiselle. Et je dis, mais vous savez où vous nous emmenez, là? Parce que ça a l'air quand même dangereux, votre histoire, là. Tu vois qu'elle regarde et elle dit, il y a des crocodiles. Et je sais plus comment ils disent crocodile en japonais, mais c'est des kubas. Enfin, voilà, on vient, on vient de voir cette créature, là. Elle te dit, il faut traverser par là, là où il était. C'est le seul chemin que je peux connaître. Ok, bah écoutez, soyons sur nos gardes, moi je sors mon katana au cas où, et j'avance en regardant un peu partout. Tu avances, tu vois que les autres, tu vois que la formation avance au même rythme que toi, tu restes sur tes gardes, tu as le sabre bien, enfin l'un ou deux sabres sur toi, je sais pas, tu fermes bien le sabre, et là, toi tu sens vraiment une sensation étrange. Comme si quelque chose venait te frotter au niveau du genou, quelque chose, tu as sursauté du coup, tu as enlevé ta jambe et tu as fait un petit saut en arrière, mais tu ne vois rien, l'eau est trop trouble, il est pas très visible. Putain, il faut se dépêcher de sortir de là le plus vite possible, on peut pas se permettre de rester... Plus on restera ici et plus on a de chance de se faire attaquer par cette chose. Il faut que vous vous dépêchiez, mademoiselle. Donc vous vous agitez un peu, c'est ça? Donc vous commencez à faire un petit sprint, vous augmentez la cadence pour aller de l'autre côté. Et c'est alors que Aida crie, vous l'entendez, il a un truc qui lui a pris la mâchoire dans son... Il a une armure et son... Et le crocodile a fermé sa gueule dans son armure et il le crie de douleur car la créature est en train de lui broyer l'armure comme si c'était simplement une banane. Quoi. Vraiment, il est en train de l'écrabouiller. Il essaye et vous voyez clairement, il est en train de se faire mais complètement comme une voiture à la casse, en train de se faire compresser à ce niveau-là. Tu as juste une réaction, Yoritomo, vu que tu avais une flèche encochée. Est-ce que tu vas réussir à le tuer d'un coup? Sinon, tu peux peut-être perdre un Ida dans le lot. Je peux aussi faire perdre un Ida moi-même. Tu vois, oui, c'est ça. Vraiment. c'est deux réussites pour toucher. Ok. Je tire avec mon arc long, je viens de dire. Deux arcs. Quoi. Ouais. Hop là. Et c'est le DQ normalement. Hop là, je tire. Et du coup, je vais garder les trois réussites. D'accord. Donc tu commences. Ouais. T'as demandé. C'était sur l'eau. Ok. Donc tu commences à faire un petit pas et tu tends ton arc et là tu vois que le Ida et le crocodile commencent à se battre et tu vois qu'il essaie de se démener, il bouge, donc tu vois tu te concentres et psh, tu lances une flèche, hop, tac tac tac, ça a combien de dégâts ton 7 de mortalité, 4 de dégâts, 6, bon ça va, Tu vois que tu tends bien l'arc, tu lui tires une flèche, seulement sur sa peau écailleuse, tu vois que celle-ci ne se plante qu'à peine, et tu vois qu'il y a juste un petit filet de sang qui en sort de son dos, et tu vois quand même qu'il a une petite réaction, il lâche un peu de prise, et puis d'un coup, comme Loïda pensait qu'il allait s'en sortir, bam, il se fait recomposer. Et là, vous le sentez qu'il ne va pas tenir. Le truc fait une pression énorme sur son armure. Il essaie de donner des coups avec sa masse, mais il a l'air de ne pas vouloir lâcher. Du coup, on va faire un premier test qui est l'initiative. Donc, c'est tactique et vous choisissez votre anneau. Donc, selon l'anneau que vous prenez, vous êtes, positionné là-dessus. C'est ce qu'on appelle la position. Donc, vous pouvez choisir l'eau. Bah moi, ce sera à terre, hein, une dame. Hein. Oui, bah oui. Le petit détail que vous avez pas remarqué, mais que Moto a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas qu'un seul crocodile, en fait. Il y en avait deux autres. Et ils traînent encore. Non, on n'est pas dans les hautes herbes. Donc, tu sens qu'il y en a un qui rôde et qui va attaquer. Alors, je le dis à Moto. Parce que si tu gardes les deux opportunités plus la réussite, ça te donne des idées en plus. Après, je verrai pour toi, Miramoto, mais je pense que tu gardes que la seule réussite. Donc, tu peux me relancer un dé d'anneau. Tu peux garder une réussite et une opportunité. Tu remarques qu'il y en a un des crocodiles qui va attaquer la prêtresse et un autre compte attaquer Yoritomo. Bon, je vais attaquer. Je fais un. Il y en a. Enfin. Ils sont plusieurs. Et je vais attaquer celui qui va attaquer la prêtresse parce que c'est un PNJ. Alors, tu peux pas l'attaquer parce que tu ne le vois pas. D'accord ? Il n'est pas visible à l'œil nu, tu vois. Je te dis juste, tu sais que sa présence, là où il était, il va attaquer certainement la personne la plus proche de lui qui était la prêtresse. Je fonce sur elle. D'accord. Donc, tu as une action qui peut être la garde. D'accord ? C'est une action que tu peux faire pour justement garder et prendre les coups à la place de l'autre, tu vois. Alors, ça me coûterait quelque chose Ça te coûte ton action. Mais je suis sûr d'avoir l'avantage. Enfin, de lui couper le c'est pour protéger la dame, hein. Sinon, tu ne sais pas. Oui. Allez. S'attaquer dans le vide, hein. C'est peut-être fort utile, mais. Je prends la garde. Ok, donc tu gardes la prêtresse. Très bien. Vous pouvez le faire aussi avec d'autres personnes. Hein. Je le dis aussi, si vous gardez quelqu'un, ça lui permet d'éviter certains soucis. Ok. Pour être exact, je vais te le dire, c'est que ça augmente son... Tu dois faire quand même un jet de tactique. De difficulté 1. Pour faire la garde. Ouais. Et chaque deux succès, ça augmente de 1 le ND pour essayer de toucher la personne que tu gardes. Donc, Bah, bah, je le je fais. suis des plaît. Bon, ok, d'accord. Moi, je ne fais que des jets de malade. Oh. Du coup, là, ça augmente de 2. C'est-à-dire que là, pour l'attaquer, ma créature doit faire 4 succès pour réussir à la toucher. Donc, tu sors ton cimeter et là, d'un coup, tu la mets derrière toi et tu essayes vraiment d'être le plus protecteur envers elle. Et toi aussi, tu te prépares à un assaut. Et ça ne manque pas que tu vois que la créature commence à venir et elle sort de l'eau en contre-plongée, quoi. Elle commence à bondir pour essayer de t'avoir. Et tu lui fais juste un coup de sommation au cimeter, ce qui fait juste une petite éraflure. Elle retombe dans l'eau aussi sec, mais rôde autour de toi et autour de la pièce. Mirumoto. Oui, mais tu peux dire par exemple au Ida de se calmer, ce qui fera descendre ses points de conflit. Le Ida qui se fait mordre. Donc avec une opportunité. Eh ben écoute, je lui dis dans ce cas, tant qu'à Ouais, faire. bah, Eh ben, c'est gratuit. calmez-vous, calmez-vous. Tu vois qu'il était quand même en panique à cause du machin, tu vois, tu commences à lui dire de se calmer. Et toi, pareil, tu as entendu Moto dire qu'il y en avait d'autres, tu vois, tu te retournes et là tu vois qui en fout un directement qui allait attaquer par derrière. Miro Moto, c'est à toi. Dans l'initiative, c'est à toi. Et tout en bas, il y aura les ennemis. Bah écoute, dans le premier des cas, j'ai vu que Moto s'était mis à la défense de la demoiselle, donc ça s'est fait. Bah là, ce que je vais faire, je vais aller à la rencontre du seul qu'on voit pour l'instant, hein, c'est celui qui attaque le Ida. Donc je vais essayer d'attaquer celui qui attaque le Ida. Parce que Ok. vu qu'il a mordu. Bah, il peut pas me mordre dans la foulée, et puisqu'il est déjà en train de compresser, donc je vais essayer de le planter avec mon katana. Donc, Oui. logiquement, il bouge pas. Enfin, Oui, mais le Ida bouge un peu quand même avec Oui, mais je veux la dire, créature qui, il en bouge. fait, essaye de le. En fait, les techniques de crocodile, Oui, c'est il fait de tourner tourner. dans l'eau. Il fait le tourner, Et ouais. tu vois qu'il s'est agité, qu'il y a de l'eau partout, donc toi quand tu arrives, tu es éclaboussé. Bref, c'est pas facile, tu vois. C'est pas comme si le Oui, Ida le tenait c'est par les bras sûr. et dit Mais vas-y. c'est moins. C'est pas facile, mais il est quand même confiné dans une zone. Donc je peux. Enfin, voilà quoi. Enfin, Non, bref. ça changera pas la difficulté. J'aurais essayé. Du coup, c'est quoi là? C'est mêlée, c'est ça? Alors, c'est mêlée weapon. Il faut que tu fasses 2 succès. En terre. Parce que la même que. Tu vois que tu donnes un énorme coup sur sa peau, sur la peau de la créature. Et là, concrètement, tu es en train de lui amocher le buste. Et tu vois que tu lui as fait une entaille. Et tu as essayé d'enfoncer ton épée dedans quand il s'est retourné. Et tu vois que le Ida souffre encore plus, la morsure lui fait terriblement mal, et là tu le vois, il commence à tomber, et en fait il a une marque pleine de sang, tu vois que ça lui a pété clairement tout le bide, les côtes, tout ça, l'armure, elle fait même plus 20 cm, tellement qu'il a une pression, et Ouais. là tu sens qu'il va certainement lâcher court. Il y a ses amis, hein, bien sûr, qui sont toujours là. Donc là, ce qui s'est passé, t'as pas fait assez de dégâts pour faire ce qu'on appelle un flesh wound, donc une blessure légère. Et ce qui aurait pu lui faire des petites conditions, genre il saigne ou des trucs comme ça. Là, tu D'accord. as juste fait une entaille. Donc, Yoritomo, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je crie, attaquer sur les flancs, attaquer-les par le ventre. Et je vais essayer de tirer une nouvelle flèche sur le crocodile qui est en train de bouffer le mec du clan de crabe. Ouais, vas-y. Ok. Donc, il a essayé de concasser Ida. Et toi, tu arrives, mis en moto, tu lui donnes une immense entaille pour essayer vraiment de le faire lâcher prise. Il ne l'a pas lâché. Et là, il y a Yoritomo qui balance sa fameuse flèche tout droit, cette flèche-là qui a percé le corps d'un ennemi, et bah bam, ça n'a pas manqué, ça fait un impact énorme. Le crocodile se fait embrocher, la flèche passe à même son cuir épais. Il a visé juste une partie un peu plus souple, et là, vous voyez qu'il est en train de lâcher prise, il se tord de douleur dans l'eau, il a pris une flèche en plein milieu du cou, enfin si ça a un cou la créature, je ne sais plus. Et là, vous voyez, il sautille, il commence à avoir mal, et puis il se retourne sur le dos et il flotte maintenant. Comme quoi, ça fait des belles choses. Hein. Plus que deux, les gars. Allez. Moto, c'est à toi. Après avoir bien défendu la prêtresse, que comptes-tu faire? Alors, est-ce qu'il... Le plus proche. Enfin, c'est celui qui est devant toi. C'est ça. Mais oui. Je me demandais, du coup, on est d'accord qu'il n'a pas battu la retraite, il est bien, toujours... Je ne l'ai pas envoyé Valdagenois, c'est toujours lui la principale menace. Oui. Bon, et là, je le vois plus. Ouais, d'accord, donc oui, je peux tenter une attaque. Bon. Oui, tu peux porter une attaque. Allez, un coup de cimeter, hein, faut pas... On ne va pas tergiverser... Essayer de lui donner un gros coup de cimeter là où ça fait mal. Du coup. Ça, je fais des bons jets. On garde tout. On garde. Oula. Attends. Ah, je sais pas pourquoi je suis tout en haut. Oui, on garde tout. Oh, ça fait 4 succès. Je te mets les deux conflits. Hop, c'est bon. Donc. Toi, tu cherches juste à l'abattre et tu vois que tu tentes la même chose que Miromoto, c'est-à-dire un coup bien placé. Et là, tu le touches avec ton cimeter. Tu vois que pareil, avec une force implacable, tu mets vraiment une énergie folle à vouloir le faire clamser, hein, pour protéger. Malheureusement, tu vois qu'il était un peu dans l'eau. Du coup, tu frappes, ça amortit un peu ton coup. Et tu frappes sur le cuir dur de la créature. Et là, seulement, tu ne vois même pas une petite trace, même pas une petite éraflure. Putain. Il est costaud, celui-là. Hein. Mais c'est costaud. Hein. En vrai, tu sais que même si tu vas à la lance, il faut y aller, hein, pour traverser la peau d'un croco. Ouais. C'est pour ça qu'on en fait des sublimes sacs à main par balle. Bon, c'est pas bien, c'est pas bien. On n'aime pas ça. C'est à Leïda. Donc Leïda, eux, ils se mettent en position. Là-dessus, ils ont vu leurs potes. Il y en a deux qui essaient de le ramener dans le centre du cercle qui forme à 7, du coup. Mm-hmm. Le cercle à 7. Et toi, Yoritomo, il y en a un, il te chope. Tu vois vraiment, Yoritomo, il te chope, il te traîne en arrière. Et là, tu le vois, il te donne un énorme coup de Tetsubo dans l'eau, en essayant de viser en fait le crocodile qui allait te dévorer juste derrière après ta flèche. Tu vois qu'il a mis une énorme énergie, il crie un peu de rage, et tu vois que ça éclabousse un peu, et le crocodile, tu vois qu'il préfère pas trop s'y frotter, donc il commence à repartir comme il était venu. C'est alors que c'est au tour... Alors, ils vont pas attaquer celui de Moto, hein, ils vont attaquer seulement Yoritomo et celui qui a touché leur copain. Du coup, tac... C'est au tour des crocodiles et je vais attaquer Moto. Donc tu commences à te battre et là la créature, bam, te mord avec une intensité incroyable. Tu as mal, tu vois que tu as beau avoir des vêtements lourds et très épais, tu vois que ça passe largement à travers et qu'il te broie en fait au niveau de la jambe et tu as juste le temps de donner un coup pour le faire lâcher prise. Tu vois que la créature a maintenant goûté ton sang. Et là, elle ne peut plus faire machine arrière. C'est à toi, Miromoto. Oula, c'est quoi ce bruit-là? C'est un crocodile. Ils ont des bruits bizarres, les crocodiles. C'est dans Rokugan, ils ont tous des bruits bizarres. Bah du coup, je vais essayer d'aider mon ami. Moto ou Yoritomo? Les deux. Bah, il faut que celui qui est le plus mal embarqué, on va dire. Bah, c'est plutôt le moto. Bon, bah, on va aller voir le moto alors. Donc je vais lancer une attaque sur son agresseur. Ok. Donc tu fais ton attaque. Donc En croisant les doigts. tu donnes un coup, tu commences à prendre de l'élan avec ta petite démarche dans l'eau, et tu entends la prêtresse qui a miaulé comme ça, qui a peur du crocodile. Une Ouais. moto qui le défend en se mettant vraiment comme un mur. Et toi, tu arrives juste au moment opportun et tu commences à faire une descente avec ton sabre. Donc attends, faut que je lance les dés. Ok, tu vois que là, tu l'as quand même bien blessé. Pareil, tu vois du sang sur ta lame. Tu vois que tu l'as touché en fait au niveau du bas-ventre, Ouais. comme si tu as voulu lui trancher la gorge, mais tu n'as pas fait la totalité. Mais assez pour que là, tu penses qu'il va peut-être se raviser avant d'attaquer une nouvelle. Yoritomo. Il reste que celui de moto comme créature, celle qui t'est destinée. A préféré fuir devant le Ida qui tapait comme un sourd avec sa masse. Parfait. Parfait, ma garde me protège. La garde protège et ne se rend point. Exactement. J'ai juste aidé mon ami Moto en tirant une flèche à mon tour, encore une fois, entre les deux yeux du crocodile ou autre sac à dos en vie ambulant. Je vais t'appeler Vuitton. Là, tu tires une flèche, pareil, elle s'enfonce, mais pas totalement dans la peau. Je vais faire le jet, il a fait un jet de résistance de malade. Surtout que tes dégâts sont quand même réduits par sa peau, hein, on va pas se leurrer. Ta flèche ne passerait pas si tu n'as pas plus d'opportunité. Tac, tac, tac. C'est au tour de Boto. Oui. Bon, bah, on va essayer de l'achever, hein. Ah, c'est Allez. à moi de le faire, ouais, c'est vrai. On change pas d'équipe qui change. Une équipe qui gagne, excusez-moi. Oula. Tu commences à faire un tour avec ton cimeter, et là tu commences à faire l'impact de celui-ci. Et pareil, un bruit frissonnant, vraiment de l'air tranché par ton sabre, et le bruit quand il s'éclate dans l'eau, qui vraiment, tu vois que ça met quand même le calme juste après. Tu vois que tu as tranché en deux la tête du crocodile avec ton simple coup. Tu vois que vraiment tu l'as tranché sec. Pas complet, hein, je veux dire, tu as fait une énorme entaille. Donc la créature ensuite est bien sûr décédée. Bravo! Elle est morte de décès, super! Dis donc, je pense que nous devrions presser le pas. Ça serait un petit peu gênant de retomber sur d'autres, sur ses petits frères ou ses grands frères même. Tu vois qu'il y Bien. a un des Ida qui dit il faut soigner les blessés. Et tu vois qu'il tient sous son bras le Ida qui tousse du sang parce que lui, tu vois, son armure, bah, il est. Tu vois qu'ils ont dû prendre une sorte de lame pour couper les lanières parce qu'il s'est étouffé dedans en Ben fait. là, je dis au Ida, ça va être très compliqué de s'occuper de soigner un blessé en plein au milieu d'un marais, entouré de ces choses dont je ne connais pas le nom. Le mieux, ce serait vraiment de trouver un endroit au sec et à l'abri de ces choses. Oui, parce que si on reste immobile, ça me paraît pas être une bonne idée. La prêtresse vous dit, bah, faut y aller par là, faut y aller par là. On va Allons-y. tenter de vous soigner, Motosan. Allons-y, allons-y. Ça va, Motosama. Puis vous commencez un peu à gambader. Toi, Moto, tu boites, hein, tu boites bien sévère, quoi. La blessure, il t'a pas manqué, quoi. T'as vraiment mal aux muscles et vraiment, t'as eu le sentiment de pratiquement. Tu sens que t'aurais eu une petite jambe de bois. Hein. Ça t'aurait bien déplu. Tu commences à boiter, tu te fais aider par un Ida qui t'aide à marcher. Et vous arrivez non loin maintenant de la forteresse, d'après la prêtresse. Non loin de la forteresse. Et vous avez le temps de soigner vos camarades. Donc, si des personnes veulent faire des tests de médecine. Qu'on appelle ça. Enfin, moi je veux bien faire la chasse. Hein. Personne veut faire de la médecine pour moto parce que sinon il est toujours blessé. Hein. Ah mais je sais pas soigner moi, je suis pas un médecin. Donc je vais faire pour la prêtresse. Un dé. Non. Quoi? Non, bah tant pis. Non, je demandais, quelqu'un se dé vous? Bah toi tu peux en plus. Ah je peux. Bon. Après te recoudre toi-même, c'est compliqué. Bah, voilà. Ouais. Ah il va se recoudre lui-même, c'est génial. Donc je prends aucun des jets avec une flamme, hein, parce que c'est deux succès pour arrêter une hémorragie. Tu commences à te mettre au sol et tu prends un petit bandage que tu avais sur toi, un petit morceau de kimono, hein, tu arraches et tu commences à attacher. Tu compresses bien la blessure et là tu sens beaucoup mieux. Un peu fatigué mais beaucoup plus en forme, enfin beaucoup plus apte à marcher qu'avant. Tu regardes, la blessure ne semble pas s'infecter, mais t'es dans les marais, hein, donc il faut pas trop risquer de marcher proche des petites rivières. D'ailleurs, Miromoto, tu remarques que toi, t'as des petites sangsues qui sont rentrées. Merde, bah, j'essaye de t'en faire que... T'en faire que peu de... d'en enlever... que je peux... Ça s'enlève facilement, mais tu vois que c'est immonde, quoi. T'es vraiment dégoûté. Je t'assieds. Ouais. Ça. Ils sont remplis de ta substance sacrée que tu appelles. Ah la prêtresse essaye de guérir le Ida, mais tu vois que les gars, ils le regardent et il est en train de suffoquer... Disons que là, s'il revient pas en ville, il risque peut-être d'en mourir. On pourrait envisager de laisser, je sais pas, trois d'entre eux partir, mais bon. Ouais, est-ce qu'ils vont retrouver leur chemin? Est-ce qu'ils seraient aptes à retrouver leur chemin? C'est là le problème. Bah, pour eux, oui. Ils savent retrouver le chemin, mais la prêtresse déconseille fortement. Ils vont se perdre si je viens pas avec eux. Ouais, voilà. Donc je pense qu'il faut faire confiance à la prêtresse. Est-ce que nous aurions un endroit... Il y a un endroit sec... Enfin, un endroit où on pourrait vraiment s'occuper de lui... La forteresse. Mais c'est loin. C'est dans combien de temps de marche? On y est dans... une heure. Bah, autant y aller, hein. Alors là, on a fait le plus long du trajet. 4 heures. Ouais, vous avez fait 4 heures de trajet. Donc, il supportera pas 4 heures dans l'autre sens. Il faut aller dans l'heure et on verra ce qu'on peut faire pour lui une fois arrivé là-bas. Vous avancez, conduite par la prêtresse. Vous cherchez un endroit au sec à chaque fois. Tout est humide. La mangrove est vraiment dégueulasse. Vous voyez vraiment, il y a des... sorte de petit amas d'algues et tout ça est poisseux et ça sent vraiment une odeur nauséabonde. Vous avancez puis vous tombez enfin sur une butte de terre, mais de la terre qui est plutôt sec et solide. Vous commencez à monter et puis vous arrivez devant à une bonne distance, hein. Vous n'êtes pas devant le truc, mais vous arrivez proche de la forteresse. Est-ce que je vous avais fait le petit dessin? J'ai pas fait le petit dessin. Je te le fais rapidement en bas. C'était bien ça, je peux faire un petit dessin rapidement. Oula. Donc il y a un mur d'enceinte. Là il y a le fortin. Non, ce n'est pas un panneau sans interdit. Il y a une ouverture assez grande, tu vois, les portes principales. Les murs d'enceinte sont un peu écroulés, en tout cas le chemin de ronde est complètement hors d'usage. Et vous apercevez un énorme bâtiment au centre, qui a l'air d'être comme le donjon, mais japonais, c'est-à-dire avec les toitures à chaque étage, etc. Avec des meurtrières peut-être à certains endroits. Uh-huh. Vous êtes à une centaine de mètres du bâtiment, vous le voyez de loin. La prêtresse vous indique, la prêtresse Kirishima vous indique... voilà, c'est ce bâtiment-là. en vous le montrant. Il est quand même assez, c'est assez intriguant, parce que c'est un truc en plein milieu des marais, mais il a l'air plutôt bon état pour un fort abandonné. Quoi. Bon état dans le sens où il n'y a pas l'air d'avoir trop de végétation qui est poussée à l'intérieur ou à l'extérieur. D'accord. Il est habité, quoi. Non, il n'a pas l'air habité. Hein. Clairement, ça a l'air quand même en ruine, hein. je te le dis, mais c'est pas des ruines bruyantes de végétation. C'est une cage. Il n'y a pas de végétation, ça veut dire que soit la végétation n'est pas poussée dessus, donc il y a de la souillure, soit que les gens font en sorte de ne pas montrer qu'ils habitent ici pour rester cachés. Donc l'EIDA, eux, proposent de vous accompagner jusque là-bas, ou peut-être envoyer des éclaireurs. Je sais pas, d'un côté ils sont extrêmement puissants, faut pas le croire. Ça me fait un peu peur. Est-ce que ce serait. Ils vont pas se faire massacrer quoi. Objectivement. Bah après là, ils sont que deux. Enfin, il y a. Si on en croise, on dit. Oui. Je dirais. Mais oui, c'est juste que. Qu'ils prennent pas trop de risques non plus. Il faut pas non plus qu'ils s'approchent trop. Oui. Après, on n'a pas trop le choix si on veut déjà s'occuper de. Du Ida. Faut qu'on se mette au sec. Et. Si on reste dans l'eau. Il va pas s'en sortir. Il n'y aura aucune chance. On est un peu dans une situation délicate. Et vous, Yoritomo, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je pense qu'actuellement, ce qu'il nous faudrait, c'est de nous reposer. Hein. J'imagine qu'on va avoir des dangers bien plus grands. À l'avenir, que des simples petits crocodiles. Malheureusement, on ne peut pas avancer sans avoir pris un peu d'énergie. Donc, quel est votre plan là? Parce que c'est patienter. On s'en approche. Enfin, je pense qu'il faut qu'on aille, qu'on s'en approche pour ne serait-ce que déjà sortir du marais, quoi. En fait, vous êtes assez loin pour l'apercevoir et peut-être savoir ce que vous comptez faire et de rester caché de la des gens qui seraient à la forteresse. Ouais. Mais vous êtes proche pour en même pas 10 minutes, vous y êtes. Hein. Oui, d'ailleurs, mais là on a les pieds dans l'eau, on est bien d'accord. Non, là t'es sur une butte de terre. Donc là on est au sec. Tout est au sec. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut pas, pendant que peut-être certains jettent un œil à... C'est ce que la proposition du Ida, c'est est-ce qu'on envoie des éclaireurs ou on y va tous avec les blessés occuper le fortin. Ouais, je pense que ils seraient plus... S'ils sont que deux, c'est... ils vont en faire de la charpie, les gars. Par contre, s'ils sont pas deux et s'ils sont plus, Et peut-être aller observer, qu'une ou deux personnes aillent observer de loin, enfin de loin, je veux dire, de se rapprocher un petit peu, voir si on n'entend pas des choses, ou pas forcément rentrer à l'intérieur, mais... Qui veut prendre le rôle d'éclaireur maintenant que le Yoruba est plus là. Parce que c'était un peu ce rôle, normalement. Écoute, moi je peux toujours essayer, si vous voulez, de me rapprocher en essayant d'être un peu furtif, on va dire. Même si c'est peut-être pas forcément ma. ma meilleure qualité, mais. De toute façon, on n'a pas trop le choix là. Qui d'autre veut le suivre dans cette périlleuse aventure? Pardon ? Non, je valide ce que dit Gossed. Hiromoto-san. Donc, qui c'est qui vient avec moi ? Moi. Moto ? Bon, ouais. Moto et moi allons. Non, avec la blessure, je sais pas. Ouais. Après, si t'as quelqu'un plus de blessure, doit venir... t'as plus de blessure. Ah, t'as plus de blessure. Non, il a plus sa blessure. Il a quand même les points de fatigue, mais il est plus blessé. Ah, ok. Bah, comme tu veux. Dans ce cas. Allez, bon. Yoritomo, tu t'occupes du Ida avec la demoiselle. Essayez de. Oui, pas de soucis. Bon, bah, vas-y. Hein. Après, je pars, c'est des orbites en même temps. Ok. Bon, bah, on y va. Que doit-on faire, grand maître? Grand maître du jeu? Ouais. Alors, vous allez faire un petit jet de survie, d'accord? C'est pour rester furtif. Avec. Vous avez le choix soit d'être. Aussi discret qu'un paix sur une plaque de verglas avec l'air, ou d'essayer de vous approcher tout en étant le mieux caché, d'accord? C'est pas la même chose, hein. Ça veut dire soit vous faites le moins de bruit, vous avancez, soit vous restez caché et vous avancez en restant camouflé, voilà, pour être exact, camouflé. Ouais. Et là, c'est avec l'eau. Donc avec les trois succès, toi, vraiment, tu cherches des bons endroits, tu t'approches discrètement et justement, tu entends un peu Miromoto patiner un peu. Seulement, vous remarquez la même chose. Tous les deux. Vous remarquez quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui sort vraiment de nulle part. Là, je vais vous dire, le terrain est quand même assez bien dégagé. Il y a quand même quelques morceaux de mangrove à droite et à gauche, mais c'est assez dégagé pour que vous apercevez ce qui se passe. Et le mec a l'air de sortir de sous terre, de assez loin du fort. Mmh. Et le type, qui ressemble tout bonnement à un émine, se dirige vers la porte du fortin. Vous commencez à vous arrêter et à regarder ce qui se passe avant de réagir. Vous commencez à le voir et il a l'air d'avoir un énorme sac dans la main. Enfin, et il s'approche de la porte du fortin. Là-dessus, vous avez le droit de réagir si vous voulez. Il n'a pas de chapeau de paille. Il n'a pas de chapeau de paille. Ah. Est-ce que... Enfin, si on fait des extrapolations, étant donné que pour nous, ils sont que deux, et que l'autre, il a un chapeau de paille, à la limite, ce serait le guide. Dans l'idée. Si on réfléchit comme ça, ce serait le guide. Mais bon, on n'en est pas sûr, donc... je sais pas trop quoi faire, honnêtement. Bah, je préfère attendre un peu et voir si on voit pas quelque chose d'autre. Enfin, s'il y a pas du mouvement après ou si. Voilà quoi. T'en penses quoi, Moto? Tu patientes. Tu en penses quoi, Moto? Bon, écoutez, celui ça m'a tout l'air d'être le. Cool, enfin. Vous voyez, je propose que nous allions le voir de ce pas. Enfin, qu'on l'interpelle, quoi. Un petit discrètement. Écoute, je te laisse faire tout ça. Ok. Comment tu comptes l'interpeller? Bon, allez, je suppute qu'il est. Pas trop là de son gré, allez, je sais pas, il y a pas un petit caillou par terre pour lui balancer sur la tête, quelque chose comme ça, non? Donc tu trouves un petit caillou et tu peux lui balancer dessus, je pense que c'est pas pour la somme, mais juste pour le prévenir. Et là, il est mort. C'est genre, tu le lances trop bien. Ah. Non, on va pas faire de gelée pour ça. Mais je vois ce que tu veux faire. Donc tu commences à te saisir d'une pierre et tu balances. Tu vois que ça le touche, il se retourne. Et t'es tellement bien camouflé qu'il voit pas que c'est toi qui as lancé le caillou. Mais tu vois qu'il fait un petit grattage de tête. Il voit le caillou qui a été lancé. Et il commence à s'approcher. Bon bah, je vais sortir en mettant bien mes mains en évidence en mode de. Tu vois que tu sors et ça l'a tellement surpris qu'il est tombé sur les fesses. Et tu vois qu'il commence à reculer en arrière. tu vois qu'il transpire énormément. Tu t'approches de lui ou tu restes où tu es? Je vais rester où je suis. Tu vois qu'il reprend sur ses quatre pattes et commence à courir vers le fort. Oh putain. Bon bah ok, allez. J'essaie de le courser avec ma jambe un peu cassée. C'est ça. Du coup, après moi je le suis hein. Maintenant je cours aussi hein. On est d'accord, je vais pas rester. Maintenant qu'on s'est découvert, ça a rien que je reste dans le. J'ai de forme physique haut. Il me faut maximum de succès. Il en faut 3. Forme physique haut. Ah, c'est pas mal ça. Moi aussi, pas mal. J'ai fait mieux que toi. C'est comme ça. Ouais, oh. En fait, j'ai vu ton. En fait, j'ai cru voir le mon succès, mais enfin mon jet, mais c'était ton jet. J'ai vu. Voilà. Du coup, tu prends un point de fatigue, mais on a. Enfin, on a. Tu as 3 succès. Tu as 1, 2, 3, 4 succès. 4 succès, mais un point de fatigue. Et moi, avec toutes ces opportunités, ça me donne quoi, moi? Alors, toi, tu peux faire une relance. Hein. Une relance? Ouais. Ben voilà, ma relance. T'as un succès en plus. Ça te permet... tac, tac, tac. Pour 2, tu peux enlever... pour 1, tu peux enlever 2 points de... De strife de conflit. Bon bah j'enlève 2 points, c'est bon, voilà. C'est fait. Et tu en conserves un encore. Non, tu gardes que 2 dés, donc t'as ton succès, t'as 2 succès. Voilà. Donc tu commences à courir et là il y a moto, tu le vois sprinter. Alors toi tu dirais que s'il y aurait une épreuve de sprint en tournoi de Topaz, oh là là, s'il n'y avait pas de scorpion, bah, il serait premier. Donc il sprint, et là d'un coup, je pense que soit tu l'arrêtes, soit tu le plaques. Hein. Dans tous les cas, tu t'interposes physiquement. Tu te souviens de ce que t'as appris Senji Sensei, le maître du dojo. Tu commences à faire une prise, et là, bam, tu le plaques au sol. Enfin, je joue à ta place, on dirait, en fait. Oui, un peu. Quoi? C'est un peu ça. Non, je dis. C'est un peu ça. C'est le mec, le MJ là, il est parti en full. Bah, c'est mon personnage. Moi, j'aime bien, moi, les motos. tu le plaques au sol. Et il s'est claqué au sol. Enfin, j'adore cette vidéo. Et tu le plaques au sol et tu le vois. Et il dit ah, mais c'est moi. J'ai rien fait. Là, pour le coup, vous êtes à l'intérieur de la forteresse. Donc, devant le fortin. Tu mets la main devant la bouche hein, pour l'étouffer et le tuer. Non, juste pour qu'il arrête de parler. Mais calme-toi. Calme-toi. Est-ce que l'homme au chapeau de paille est à la... Donc, tu le regardes dans le blanc des yeux et tu lui dis ça. Et tu vois qu'il cligne un peu et il fait un oui. Miyamoto, toi, tu arrives un peu... derrière moto, et tu vois qu'il a laissé tomber le fameux sac qu'il avait, le sac en toile. Ah bah écoute, je le ramasse. Tu le ramasses, tu l'ouvres. Oui. Plonge ta main dedans et tu remarques qu'il y a du sel. Ah, ah. Mais du sel blanc ou du sel noir? Du sel blanc. Noir. Noir. Noir. Ah, pas bon, oui. Ça. Là, je suis plus trop sûr que ce soit le guide. Wop, wop, wop, monsieur, là, qu'est-ce que c'est, ça? Monsieur, wop, ici, vous plaît. Du coup, je le regarde, je fais... Dites-moi. À quoi ça vous sert, ce sel noir, dis donc? Donc, il a la main devant la bouche. Hein. Du sel noir. Du coup, oui, je lui fais entendre à moto, hein, forcément, mais... Tu vas parler, imbécile. Tu travailles avec l'homme au chapeau, oui ou merde. Tu vois qu'il fait un oui de la tête. Il travaille avec... Est-ce qu'il y a une feu à la maison? Est-ce que t'as mis une feu à la maison de cette pauvre petite fille? Tu vois qu'il fait un nom de la tête, tu vois qu'il a pas l'air de comprendre ce que tu lui dis, et tu vois qu'il te fait un signe, et tu fais et il lève les yeux vers, tu vois, la forteresse. Écoute, j'ai une autre question pour lui. Est-ce que vous êtes plusieurs dans cette... est-ce que vous êtes plus de... plusieurs dans cette forteresse? Il te fait non de la tête. Vraiment. Il y a que toi et le gros chapeau de paille. Il fait un oui de la tête. C'est toi le frère de la prêtresse? Oui, il fait oui de la tête. Pourquoi tu transportes le sel? Il a sa main dans la bouche. Mais je pensais que ta famille avait... que tu faisais ça contre ta volonté, mais en fait, tu fais ça de ton plein gré. Oui ou non? Bon, Pierre, c'est moi, il n'est pas... Il peut faire oui ou non de la tête, non? Oui, il fait oui de la tête. Ah, donc en gros, il se fout de notre gueule depuis le début. Écoute, j'ai moto, reste ici, je reviens. Et là, je repars directement vers... Yoritomo et les... S'il a même pas parlé, tu l'as jugé, quoi. C'est... Bah non, il m'a dit, il fait ça de son plein gré. Hey. Donc. Bah oui, mais lui, il sait pas ce que c'est le truc, hein. Je te le dis, hein. Toute honnêteté, tu sais pas non plus, hein. Bah oui, mais en gros, s'il fait ça de son plein gré, sa famille, elle a jamais été pris en otage, quelque part. Hmm. Ah, en fait, sa famille a été pris en otage par les autres. Oui. C'est pas pareil. Non, parce que je fais indirectement, je lis tout le monde ensemble. Il paye les gars pour pas qu'il fasse de mal à sa sœur, mais tu vois que il fait tout pour gagner de l'argent, quoi. Donc, d'accord. Dire que c'est un travail comme un autre. Ouais. Non, mais du coup, non, je retire ce que je dis, je retourne pas là-bas parce que là c'est plus le joueur qui s'est un peu tout remêlé. Si mon ami enlève la main de ta bouche, est-ce que tu vas rester calme? Il fait oui de la tête. Et moi je touche le pommeau de mon katana et je sors légèrement la lame pour bien lui faire comprendre que s'il ouvre la bouche, bah il va pas l'ouvrir très longtemps. Non. Vas-y moto, tu peux enlever la main. Tu le fais ou pas? Oui, bien sûr. Je le fais. Je le juge quand même longtemps avant, puis je le retire là. Bon, maintenant, dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec l'homme au chapeau de paille? Tu vois qu'il dit, c'est moi, j'ai rien à voir avec cette histoire. Moi, il m'a juste payé pour que je l'amène ici. Et il m'a demandé de déposer des sacs entiers dans la mangrove, dans les marais. Des sacs de quoi? De sel? Les mêmes sacs à chaque fois. Et j'ai pas essayé de comprendre. Il est bizarre. Je suis sûr qu'il est prêt à me tuer si je vous dis tout. Il paye beaucoup? Oui, il m'a promis pas mal de coucous. Il a pas mal de coucous sur lui. Bon. Est-ce qu'il est dangereux? Tu vois qu'il est particulier. Je me ferai sa bouraille de lui, mais j'avais pas le choix. Bon, on verra ça plus tard. Comment connaissez-vous ma sœur? Oui, elle est avec nous. Elle est ici. Nous avons, comme qui dirait, sorti le village du joug de ces brigands de grand chemin. Nous avons massacré. Alors, c'est pour ça qu'on vous conseille de vous tenir un carreau. Là, il fait un oui de la tête. Voilà, donc maintenant vous allez coopérer avec nous, puisque la personne qui vous emploie est très dangereuse et nous devons absolument l'arrêter. Samurai, je m'excuse si j'ai fait quelque chose de mal. Et pour l'instant, l'heure n'est pas aux excuses. Nous devons agir et vite. Je pense que peut-être le fait que vous soyez déjà parti depuis un certain temps pourrait éveiller les soupçons chez lui. Donc, si vous voulez que les choses se passent bien, coopérez avec nous. On va vous laisser. Donc, il te dit oui, il est à l'intérieur de la forteresse. À quel endroit où l'avez-vous vu pour la dernière fois? À l'étage. D'accord. Dans la salle de commandement. Est-il armé? Non, il a un bâton. Ok. Moto, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher les autres? Maintenant qu'on sait qu'il est seul? On charge! Non, allons chercher les autres. Ok, bah du coup, au pire, je te laisse avec lui. Moi, je vais chercher les autres vite fait. Je me dirige vers le groupe. Yoritomo. Mmh. Bon, nous sommes tombés sur le frère. A priori, il travaillait pour l'homme chapeau de paille. Mais la prêtresse qui dit que est-ce que Nissan va bien. Il va bien. Il travaillait pour le compte du chapeau de paille. Mais j'ai l'impression, sans trop savoir pourquoi il le faisait non plus. C'est plus pour l'argent qu'autre chose. En tout cas, il est prêt à coopérer avec nous et nous pouvons tous y aller car le chapeau de paille est seul à l'intérieur. Comment va Loïda? Il est pratiquement en train de s'endormir, tu vois qu'il le respire mal. Il va pas bien du tout, mais bon. Ok. Vu ce qu'on a vécu chez le sculpteur de masque, je vais prendre aucun risque. Non, n'envoyons pas le frère de madame au chevet de cet homme. Vaut mieux directement y aller sans demander son reste. J'ai pas envie qu'il nous trahisse ou que monsieur au chapeau de paille puisse lire par exemple dans ses pensées ou je ne sais quoi d'autre. Ok. On n'est jamais trop prudent, surtout avec les utilisateurs de magie. À la limite, de Mao. Ce qu'on peut faire, c'est on laisse deux Ida qui restent avec le blessé et la prêtresse. Et on envoie le frère avec eux, enfin le frère qui reste avec la prêtresse et les Ida, et nous on ira tous les trois avec cinq autres Ida. Qu'en pensez-vous? Ouais, ça me va très bien. Bon bah allons-y, on fait ça. Du coup on laisse le Ida blessé avec deux de ses compères et la prêtresse. On part à la rencontre de Moto et du jeune et on demandera au jeune de rejoindre sa sœur là-bas. Vous y allez avec combien de Ida? 4 5. 5, ok. Et du coup, vous en laissez 4. Il y en avait 8, il restait 7 Ida. Donc, du coup, vous laissez les 3, enfin 2 avec un blessé. 2 Ida avec eux. Ouais, ils sont costauds, ils ont quand même. Donc vous êtes devant la forteresse, là-dessus le jeune homme encore est un peu choqué par ce qui se passe, mais Moto, personne n'est sorti de la forteresse et il t'explique qu'il n'y a qu'une seule entrée à celle-ci, c'est la seule porte d'entrée, et qu'il a répandu le même truc qu'il y a dans le sac partout au premier étage. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une fascination. Le fait de répondre à elle, du sel corrompu, est-ce qu'il pourrait pas. J'ai du mal à t'entendre, il y a un problème. Moi aussi, ouais. Ça bug un petit peu. Désolé, mais je me disais juste. Je me demande si l'homme au chapeau de paille n'utiliserait pas la sorcellerie pour venir invoquer sur ces tas de sel des créatures comme le Maosuka, comme le Bakemono, ce genre de choses, et que c'est comme ça qu'il a réussi toutes les exactions qu'on lui connaît. Enfin, voilà. Je partage juste cette hypothèse qui vient de germer. Mais si, je pense bien, mais je pensais que je vais pas aller envoyer l'autre là-bas. Pardon ? Je pense bien que c'est ça, mais c'est pour ça que je veux pas envoyer l'autre là-bas. Le frère ? On rentre directement, on lui laisse pas le temps d'incanter quelque chose, et on le maîtrise direct. Attends, je comprends pas. Bah... Par le plan. On le souhaite. Ah oui, très clairement. Oui, voilà. C'est le plan, en fait, c'est le plan d'entrée de Yoritobu en mode SWAT team. Ah oui, très clairement. Voilà. Et non, mais frère, là, c'est ça, là. Le frère... Là, il est dans sa chambre. Ah. Moto, t'as perdu. Ton micro. T'as perdu. Oui, non, je lui dis, on débarque dans sa case dans sa chambre et au moment, on lui tranche la tête, hein, tant pis. Ouais, non, mais écoute, c'est ce qu'on va faire maintenant. On l'attache, on le baïonne, on le ramène là-bas. Limite, on devra lui trancher les mains, je ne sais pas. J'ai vraiment aucune envie que... De toute façon, on sait qu'il utilise la magie noire et ça vaut la peine de mort. On peut directement le tuer. Après, est-ce qu'il faut le tuer ou essayer d'avoir des informations de lui? Je sais même pas s'il va en donner. Oh, je pense pas, personnellement, je pense pas, mais... On verra bien, on verra bien. Je pense qu'on peut gagner. Bon, bah, allons-y, hein. Alors, j'en coche une flèche. Ok, vous rentrez à l'intérieur et comme ce qui a été dit par... Sabre à la main. Ouais, ça lag? Non, je dis sabre à la main. Sabre à la main, sabre clair. Et vous arrivez à l'intérieur et tout le rez-de-chaussée est rempli de cette matière noire qui est répandue partout. Vous avez un escalier en colimaçon qui monte au premier étage. Le reste, c'est que des meubles entassés, poussiéreux, qui se trouvent dans un coin ou dans un autre. Des meubles qui sont très anciens, tu vois, que vraiment, il y a de la mousse verte qui s'est incrustée dessus, il y a de la poussière qui s'est répandue à l'intérieur. Bref. Donc vous prenez l'escalier, et là c'est à ce moment-là que vous entendez quelques bruits venant de l'étage au-dessus. Une sorte de grand murmure, un énorme bruit venant, vous avez l'impression, d'un autre monde qui se répand partout dans cet étage et même dans la forteresse en elle-même. Et ça vous glace le sang et ça vous hérisse les poils. Vous avancez, les Ida suivent de près. Vous arrivez en premier étage, juste en sortie de l'escalier, vous voyez qu'il y a un énorme trou béant du mur qui permet, enfin, qui est un trou pour bah, si tu sautes, bah, tu sautes d'un étage. Bon, bah là, tu risques de te faire une fracture, ça c'est sûr. Et les bruits se font entendre et vous suivez celle-ci avec beaucoup de précautions. Vous arrivez. Un moment devant une porte et vous vous mettez en position et les bruits a l'air de venir de derrière cette porte. C'est qui veut enfoncer, ouvrir la porte ou dire quelque chose, faire quelque chose? Au moment, j'ai pas envie de rouvrir ma blessure, c'est pas moi qui enfonce la porte, je le dirai. Alors, Miromoto, c'est un petit... Miromoto-san. De quoi, Miromoto? Voulez-vous ouvrir la marche? Bah écoutez, allons-y, ça se faut bien que quelqu'un commence. Donc, j'avance avec mon sabre au clair, on dit, hein. Comme tu l'as si bien dit. Et clair, ouais. J'ouvre. Enfin, s'il y a une porte à ouvrir, je l'ouvre. Hein. Tu l'ouvres. Et là. Doucement, vraiment. Comment ça, tout sport de nuit ? J'ai pas de burette, donc je peux pas mettre sur les... sur les gonds. Faut pas que ça grince. Et là, vous rentrez peut-être à plusieurs, vous rentrez dans la pièce, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez un homme avec ce fameux chapeau de paille, en position du lotus, réunies, ok, j'ai pas d'autres mots. Les mains jointes. Les mains jointes, et il commence à faire des bruits bizarres, comme des trucs pas vraiment humains. Et devant lui, il y a cet amas de poussière noire, sel noir qui est difforme et qui bouge, et forme comme une boule, et commence à se morphoser. Se morphoser, là. Pendant qu'il se transforme, on peut agir ou pas? Oui, bien sûr, c'est un peu le but. Je te laisse le. Très bien, je tire dans les mains. Tu tires dans les mains? Donc tu vas faire un jet. Et je m'en fiche. Il faut que ça réussisse. Au secours. Vous voulez pas faire un Genkidama pour m'aider? Un Genkidama. Genre me partager votre enfin de l'amitié et tout. Donc là c'est viser une partie du corps en particulier. Donc c'est trois succès pour toucher. Ok. Est-ce que tu crois à ta relance? J'y crois à fond. c'est Roll Ring? Non, c'est Roll Ring, ouais. Ah. J'aime bien que ça ne veuille pas marcher. Tu prends ton arc qui était le premier à réagir, à réflexe, tu lui tires une flèche et tu vois que ça tombe à côté de lui. La flèche percute un meuble en bois et se fixe à l'intérieur. Tu reprends vite une flèche et tu rengaines de toute façon. Les autres, vous arrivez et vous entendez son petit rire. Comme ça, hein, le rire. Machiavélique. Tu peux utiliser d'ailleurs mon écorchage de la grêle ou pas? Ça marche que s'il y avait un individu à côté de lui et que tu touchais. Ah d'accord, ok. Il en rigole et vous savez pas pourquoi il fait ce geste-là. Il commence à faire une sorte de position des mains et vous voyez que la forme commence à s'allonger et à s'élargir. Ce n'est plus une boule, maintenant c'est un corps. Et vous apercevez que de ce corps en sort un visage bien, bien réel, mais encore un peu très robotique, si vous voulez mon avis. Enfin, en tant que humain du 21e siècle, c'est très robotique comme image. Et vous voyez les vêtements changer de couleur. Vous voyez la peau comment va commencer à se teindre en une peau un peu mate, et il regarde dans votre direction et vous voyez maintenant devant vous un être humain, un Rokugane, un Gaijin pour être exact, en chair et en os, et la personne derrière rigole aussi. Et Ida tout de suite dit ça c'est le rire. Mao, réaction, je veux savoir que fait Moto. Alors je pris de colère et animé par un vif sentiment de vengeance, je vais me jeter sur lui sans sommation et je vais tenter d'abattre mon cimetière synonyme de vengeance sur ses mains. Restons civiques tout de même. Tu vois que tu vas me faire le jet, c'est moi qui le fais. Tout à fait, c'est moi qui le fais. Donc, pareil, ça demandera les mêmes jets que Yoritomo. C'est viser des mains. Donc vraiment là, du feu. Ah, on va à l'assaut. Ah oui, très clairement. YOLO. Banzai. C'est ça. C'est un peu ça. Trois succès, plus une opportunité. Je prends tout ce qu'il faut. Je prends une tout ce qu'il faut. Donc, tu fais vraiment ta vertu la plus simple. Hein. Tu suis la voie du Bushido, tu commences à courir dans la pièce avec ton katana, tu vois que tu passes la chose, tu passes devant, et tu arrives devant le mec, et là tu abats ton cimbre, ton cimeter d'un coup, tu vois qu'il avait les mains et tu lui coupes au niveau des avant-bras et tu vois qu'il a perdu ses mains. Mais tu regardes, tu vois qu'il te présente ses mains et tu remarques qu'il n'y a pas une seule trace de sang. Rien. Tu regardes plus bas et tu vois que ses mains, les bouts tranchés, tu vois que ça a l'air d'être du carton, du bois. Et tu l'entends. Nani. Oh. Tu as le regard assez ahuri, tu vois. Tu regardes ce qui se passe. Et tu le vois toujours debout. Enfin, debout. Enfin, toujours vivant, avec juste deux bouts de bois. Il fait clac, clac, clac. Et il n'a plus de main. Miyamoto, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je suis quand même assez déconcerté par tout ce qui se passe là, même si j'ai le souvenir de la première fois dans le magasin du type là, ça c'est quand même un degré au-dessus. Enfin, c'est dans le macabre, le dégueulasse. Je suis un peu décontenancé. J'avoue, je sais pas trop. Je sais pas trop comment gérer la situation à ce moment-là. Parce que littéralement, se jeter dessus, je sais pas trop. Là, j'avoue que je pense que je vais mettre en posture défensive. Instinctivement comme ça, un peu en posture de défensive. D'accord. Dans le sens où je sais pas vraiment quoi faire, du coup, dans l'hébétement, je vais me mettre en mode en garde. Fin... Et tu te mets en posture, tu commences à te mettre un peu sur... en reculant un peu, tu vois, tu te mets les gardes. Et ceux qui arrivent tout de suite s'avancent, chargent la créature créée par le truc noir. Et tu vois qu'il y en a un avec son tetsubo, il donne un énorme coup dessus, sur la tête. Bam! Et tu vois son tetsubo se casser. Il regarde avec des gros yeux. Et tu vois qu'il a tapé de toutes ses forces. Et le truc n'a pas bougé. Comme si c'était une statue de béton. Ouais. Juste comme ça, il a tapé. Bam, son marteau s'est cassé. Peut-être il était usé, mais tu t'étonnes quand même qu'une arme comme celle-ci se brise contact même d'un... Ça a l'air d'être un être humain, certes peut-être fait dans sel. Après, le sel est un minéral. Et quelque part, je regrette pas d'être resté en garde. Quand je vois le résultat de l'attaque... Peut-être que si j'avais attaqué, j'aurais peut-être perdu mon katana aussi. Ouais, maintenant, en fait, d'après les règles, maintenant, ouais. Alors que le cimetière, tu le perds pas en un coup. Ah bon? Ouais, donc j'ai bien fait, en fait. Pour moi, ils auraient dû garder la règle du katana incassable. Parce que, en manière générale, c'est la tradition qui veut ça. Mais en vrai, un katana, c'est pas incassable. Bref. Donc, très bien, très bien. J'ai bien fait. Mon sens, mon instinct m'a parlé. Mon instinct de couard m'a bien aidé. Exactement. La couardise nous vaincra. Du coup, c'est à la créature, et tu vois que elle se déforme complètement, devenant plus grand que le Ida. Et le Ida se fait happer complètement, comme si j'allais dire des pseudopodes, mais plutôt des sortes de tentacules, oui. Un tentacule ou une tentacule? Un tentacule, non, je sais plus si on dit au féminin. un tentacule. Un tentacule, ouais. Vous voyez un énorme tentacule commencer à l'encercler et il se fait happer directement. Et la créature a dévoré Luida. Tu peux refaire une description physique de la créature ? Alors, pour te faire simple, c'est un être humain. Hein. C'est juste que là, tu le vois qu'il a résisté un coup de Tetsubo. Très bien. Et en plus de ça, il arrive à faire sortir de son corps une sorte de tentacule sorti de n'importe quelle partie et se déformer et avaler Luida et prendre un peu sa forme, en fait. Le recouvrir. D'accord. Ok. Avec du recul, je pense que nous n'avons pas les moyens comme ça là de battre cette forme-là. Du coup, qui aurait été une bonne chasseuse de sorciers. Mais zut, on a oublié de prendre la prêtresse. Et oui, c'est pas grave. Mais bon, ça se joue plus avec le petit vieux et ou le ce qu'il y a en décor, enfin ce qu'il y a autour de lui, ce qu'on a autour de nous. Peut-être des choses qu'il faudrait peut-être détruire pour conjurer. Mais là, on doit faire les jets d'initiative, non ? Ouais, tu vas me faire, vous allez tous me faire un jet de tactique et vous choisissez le nom. Miromoto. Du coup, j'essaie quand même de voir un peu mon environnement parce que je. J'ai te l'avouer tout de suite, tu sens qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autre solution que le combat. Que le combat. Que le combat ou la fuite. Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir de solution. Ah oh, ouais, mais la fuite, c'est chaud. Parce que, en même temps, les Ida. Qui lui mettent un coup sur la tronche, le machin il se pète à l'aise. Alors, t'as la créature et t'as le vieux, c'est ça ? Le vieux. Oui. Mais la créature est devant le vieux. Oui. Donc en gros, elle est en mode je protège celui qui est derrière en fait. On peut considérer oui. Alors. Si on tue le vieux, on pourrait tuer la créature. Tu espères. Je pense que ça passera avec le vieux. Honnêtement, je pense que je vais me concerter vite fait, rapidement avec Yoritomo pour qu'on joigne nos compétences ensemble. Dans le sens où moi j'essaye de attirer l'œil de la créature, pendant que toi, Yoritomo, avec tes aptitudes légendaires de Dark, tu puisses tirer sur le vieux pendant que j'essaye de d'alpaguer vers moi le machin, quoi. Une espèce de monstre dégueulasse. Ouais, ouais. Je vais m'avancer vers eux, je vais dire au Ida de venir avec moi. On va essayer de pas forcément de y aller comme des gros nazes sur lui, mais au moins de l'alpaguer, quoi. Enfin, tu vois, qui nous voit nous et pas Yoritomo, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Voilà. Mais oui, tu essayes de le provoquer. Voilà. Donc comment ça se passe ? Ah bah pour faire un truc comme ça. Alors, tu vas me faire un test en commandement. Tac, tac, tac. Commandement. Oh, putain. Ouais. Ouais. Je vais prendre un point de vide alors. Parce que dans ce cas-là. Ah ouais. Ça te rajoute un dé supplémentaire. Un dé donc bien. Je mets ça dans le rang, c'est ça ? Dans le ring, oui. Donc, tu commences à pointer ton katana devant la créature en les traitant de face immonde. Et tu vois qu'elle tourne son regard vitreux et vide, toute émotion vers toi. Et avance d'un pas plutôt lent vers toi. Et ce pas est quand même assez troublant. Il marche pas forcément droit, mais tu vois qu'il boite un peu sur les appuis. Il est un peu penché en avant. Et puis il avance vers toi. donc tu penses que ça marche, mais tu as le temps, est-ce que tu veux attaquer? Bah, je vais quand même essayer, mais alors par contre, je vais pas viser la tête, parce que j'ai quand même un mauvais souvenir de ce que j'ai vu avec le Ida au niveau de la tête. Je vais attaquer plus peut-être les jambes ou un endroit quoi, comme une jambe. Oui, ok. Voilà. D'ailleurs, j'avais oublié de dire un truc très important. Oui. Quand tu as tous tes points de conflit, quand on dit que tu es compromis, quand tu es démasqué, donc là je parle pour Yoritomo, si tu as un samouraï ou quelqu'un qui sait se servir d'une lame, t'attaque, il peut choisir de faire ce qu'on appelle le fishing blow, et ça veut dire clairement te tuer en un coup. Quoi. Et, dans le jeu, en fait, justement, il y a la gestion de la fatigue, mais aussi la gestion de ton conflit. Et si tu es au maximum de ton conflit, mais que je te parle par exemple dans un duel, et là c'est un peu le cas que va faire Miromoto, c'est un peu un duel ou un challenge, le finish bow, c'est vraiment. Normalement, tu infliges. Pour dire un truc, en toute honnêteté, je crois que tu infliges les points de conflit ou dégâts. Quoi. Ok. Comme ça, je vais dire. Ah. Il y a mon moto qui. C'est égal à deux fois la deadline de l'arme, donc un katana, ce serait 14 points de dégâts. C'est pas mal. Oui. Ou sinon, utilise l'attaque bonus, attaque Z, plus l'attaque bonus succès et autres effets à raison. Ouais, ça dépend parce que t'as des armes peut-être qui n'ont pas beaucoup de deadline et tu préfères utiliser autre chose. Bref. Et c'est le cas justement pour certains s'ils souhaitent justement de faire l'exécute, hein, c'est l'exécution hein, tout bonnement. C'est fini pour toi. En manière générale, je le fais pas en escarmouche mais en duel. Si ça t'arrive, tu peux dire adieu à ton personnage parce que le mec il va juste de décapiter. Voilà. Excuse-moi, Miromoto, c'était la petite aparté. Revenons-en à nos moutons. Donc toi, tu veux attaquer. 4 succès, ouais, c'est vrai. Donc, Non, mais est-ce que tu veux l'attaquer, justement? Tu voudrais l'attaquer au genou, c'est ça? La jambe, une jambe. Ok, ouais, c'est donc 3 succès, et c'est une attaque... D'accord. N'oublie pas que t'as perdu un point de vide, hein, donc je te le dis. Oui. Oui. Il faut que je l'enlève. Hop. Merci. C'est bon, c'est fait. Hop là. Donc du coup, pendant ce temps-là, moto par peut-être quelque chose de magique, de démoniaque, est devenu muet. Il entend, mais il ne peut plus parler. Bon, ça va être triste, le combat sans lui. Tu sais, là, je vais le remplacer 100%, t'sais. C'est le joueur, il m'écoute. Mais c'est un peu ça, hein, parce que il est là, hein, mais... Fais ton jet, comme ça, hein, on résout peut-être un des soucis. Bah, il est fait manger, j'ai fait 4 succès. Ah bah, pourquoi moi je vois rien? Mais j'ai fait 3 succès et j'ai fait mon roll. Ça, c'est comment? Oui, il a fait 3 succès, un succès explosif et son roll ring supplémentaire. Et ça, c'est le jet de commandement, pas d'attaque. D'accord. Attends, moi j'aurais pris ça. C'est pour provoquer. Bon bah alors, attends, on est à la mêlée. Bon bah voilà, deux succès. Est-ce que tu les prends? Ouais, vas-y, je vais les prendre, les succès. Parce que je t'ai dit, c'est 3 succès pour la jambe. De quoi? C'est 3 succès pour la jambe. Ah, 3 succès. Y a pas de la relance là-dedans, là? Non, y a pas de relance. Donc là, autant que tu prennes rien et tu rates. Bah ouais, bah je prends rien. Bah, au moins, j'ai attrapé son regard. Ouais, tu as attrapé son regard. Tu commences à vouloir donner un coup de katana. et tu vois qu'il fait une esquive totale, style matrice, tu vois, il évite ton coup, et puis il s'avance, tu recules, et là tu essaies de donner un autre coup, il évite, et c'est assez bizarre. Pendant ce temps, Moto, on verra ça après, pardon, Yoritomo, à toi. Alors, moi je vois que... qui détourne le regard et que ça me laisse peut-être une ligne de tir. Bien, j'ai utilisé un point de vide et en même temps je vais tirer sur Bidule, sur l'homme au chapeau sur de paille. Ouais. Ouais. Vas-y, donc deux succès pour toucher. Merde, j'ai lancé deux fois. Ah bah, je vais prendre le premier hein, si ça te dérange. Ouais, prends le premier et je relance un ring, c'est ça? C'est ça? Pourquoi? Bah parce que j'utilise un point de vide. Oui, rolling. C'est le moment de faire un succès. Ah. Tu peux enlever du point de conflit. Bordel. Tu veux? Tu enlèves un point de conflit. Je prends rien, je veux pas de point de conflit. Non, mais tu peux avec le rolling, t'as fait... Avec t'as le fait, rolling, tu peux enlever un point de conflit que tu as déjà pris. Voilà, ah tout. Oui, je peux faire ça, ouais. Et t'es pas obligé de garder celui avec le point de conflit, hein. Je vais faire ça, je vais juste m'enlever un point de conflit. Oh putain, quand il faut y arriver, on n'y arrive pas, quoi. Ouais, donc tu commences à bander l'arc et puis ting, tu le rates. Mais Moto, il peut pas intervenir, Moto, là. Moto, bah je vais tenter la décapitation, quoi. On va y aller. Moto, ça, au moins. Fais un truc. Il décapite. Là, le vieux crise cardiaque, il meurt. Est-ce que moi j'y vais au feu, allez, on y va au maximum. Oh, bah oui, voilà. Quand il y a un moto, ça marche mieux. Quand il y a une vidéo, ça marche. Pourquoi moi je fais des bons jets? Donc, est-ce que je garde les trois? Mais tu peux lui demander, il est là, hein. Il t'entend, mais... Est-ce que je garde les trois motos? Mais il est même pas sur le Ah si, moi il me dit qu'il nous entend et tout. Hein. Ouais, mais il est pas sur le relevant. Ah, il est pas sur le relevant, mais il a fait. Il nous entend parler donc. Ouais, mais on va accélérer le truc sinon on a encore pour trois quarts d'heure. Et là, je fais deux fois le rolling. Ok, et je garde pas l'opportunité parce que sinon je serais trop élevé, mais je vais garder la deuxième opportunité. En feu. Est-ce que je vais faire... Tu le décapites trois fois. Je peux dire que à mon prochain jet en eau, j'aurai la difficulté réduite de 1. Non, on te voit toujours pas de coup. Donc là, bon... Ça se passe de détail. Là, j'ai fait 6 succès en un seul jet. Donc, le cimetière de Moto s'abat encore une fois sur sa victime. Le malheureux se fait trancher dans un dernier ricanement à la Christophe Lambert. Si vous voyez le... Ouais, ouais. Je sais plus si c'est Christophe Lambert, je crois, non? Il me semble, oui. Ouais, il me semble. Et puis... Oh, vous voyez que le cimetière touche le sol complètement, lui tranchant intégralement la tête. Celle-ci portait en fait un masque en peau et il avait en dessous une croûte noire immonde. Mais ça n'arrête pas la créature qui a été créée. La créature marche toujours et essaie de te combattre, Miromoto. Donc c'est à elle. Ok, bah non, ça ne te touche pas, j'ai fait qu'un seul succès, mais j'ai trois opportunités, c'est très très bien. C'est très inutile. Très bien, bah, du coup elle va se renforcer avec ses opportunités. Elle va devenir un bloc de pierre, un bloc de marbre. Léida, tu vois qu'ils essayent de le frapper, mais pareil, les lames rebondissent dessus. Et là-dessus, ils disent qu'ils ne peuvent rien faire contre ça. Et c'est alors qu'il y en a un qui entend des trucs qui ont l'air de monter des escaliers en colimaçon. Il entend des bruits dans les escaliers. Ça va être la prêtresse. J'espère que c'est la prêtresse. J'espère que le maître est sympa et qu'il nous envoie une prêtresse pour sauver. C'est toi que l'autre dit « Non, j'ai pas l'impression que c'est lui. » C'est pas délicat, c'est... C'est vrai qu'il y avait, beaucoup de sel au premier étage. Oh mon dieu. J'en pleure. Oh non. Oh non. Ce que veut pas dire qu'il y en aurait un deuxième. Mais il n'y en a pas qu'un, tu vois. Oh merde. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qui monte ? C'est au tour de Moto. Ah bah vous savez pas. C'est Aïda qui vous dit qu'il a entendu le bruit dans les escaliers. D'accord. Eh bien Moto. Que fais-tu Moto ? Bah Moto ou Miru Moto ? Moto. Bah Moto il est. S'il peut nous écrire. Après avoir tué le fou. Là, moi, je suis un peu de paille. Ça va être compliqué le finir. Hein. Oui, c'est compliqué, là, le final. Hein, il met trois petits points, donc je ne sais pas. Je pense que c'est la fuite. Le MJ dit que c'est peut-être le moment de fuir. Moi, je suis d'accord avec le MJ. Le MJ ne se trompe jamais. Hein. Il a rarement tort. Hein, MJ, si, si, hein. Des fois, je me trompe pas. Hein, t'en fais pas. L'erreur est humaine, mais je suis le MJ divin. Oui, le coup de la truite. Le coup de la quoi ? Le coup de la truite. Oui, excuse-moi. Non, du goujon. Du goujon. La carpe, c'est pas ça ? La carpe. Là, ça va devenir compliqué avec Moto, donc je pense qu'on va accélérer pour finir tout ça. Ouais, je pense qu'on va bâcler le truc, parce que là, c'est plus possible. Malheureusement, là... Ouais, oui. De toute façon, c'était un peu prévisible. Tu verrais que Miramoto, t'as... En fait, ton sabre, tu essaies de le trancher, mais tu vois qu'il a d'énormes résistances. Quelque chose de surnaturel. Donc, clairement, quelque chose que tu ne peux pas traverser si tu n'as pas des outils magiques, on va dire, pour pouvoir le traverser. Vous choisissez donc la fuite, et le seul moyen de fuir, vu que les escaliers sont encombrés de ces choses qui montent, mais doucement, marche par marche, c'est de sauter par le trou béant. Vous commencez à faire un roulé-boulé. Il y en a quelques-uns qui se pètent peut-être la jambe, vous boitez. Là-dessus, vous voyez tout au fond, tout en bas où vous étiez de départ, vous voyez la prêtresse qui vous fait un signe de la main. Mais partout dans la forêt, vous voyez ces créatures, partout du marais, vous voyez ces créatures en sortie, une par une. Et ils ont l'air d'être des centaines. Vous ne savez pas combien de kilos de sel le frère de la prêtresse a dû renverser pour faire ces choses. Mais il en sort comme une armée. Vraiment, ce qui vous donne l'impression d'un flot infini. Et vous commencez à courir en descente, en essayant de ne pas vous casser la gueule. La prêtresse vous dit simplement de prendre le passage secret et de s'enfuir ici. Deux des Ida qui protégeaient le blessé sont partis avec son frère parmi le passage secret. Elle est restée à l'extérieur en vous attendant. Qui était très courageuse de sa part. Marie, vous prenez le passage. Il faut prendre le passage secret. Et là-dessus, elle fait. Il y a un des Ida qui donne un gros coup de basse, pardon, et qui fait bouler le passage secret derrière vous. Donc c'est un petit passage souterrain qui fait quelques centaines de mètres, qui vous cache, qui est un peu rempli de boue, de vases. Et qui est à certains endroits avec des planches en bois pour renforcer des poutres en plein milieu. Donc il faut glisser, les Ida ont un peu de difficulté. Mais vous arrivez à vous en sortir. Vous avez perdu dans l'eau un soldat et vous avez un blessé. Et là, il est temps de retourner au village. Et on s'arrête là pour ce soir.